Le mardi 22 novembre, bon midi, ici Dominique Lelièvre et les informations. Les victimes de la légionellose pourront procéder à un recours collectif. La Cour d'appel du Québec vient de dire non à la SSQ et à la Direction de la santé publique qui voulaient bloquer le recours. Les victimes et leurs familles leur réclament des dommages qui pourraient atteindre 4 à 6 millions de dollars. L'épidémie de légionellose avait fait 14 morts et infecté 180 personnes à l'été 2012 à Québec, alors avant que la tour de refroidissement de l'édifice de la CSQ ne soit finalement pointée du doigt. Le nouveau métrobus 804 entrera en service dès samedi. Il s'agit d'un sixième parcours métrobus et il était attendu puisque le 804 va remplacer le très achalandé parcours 87 qui relie Loretteville à Sainte-Foy. Le nouveau parcours offrira une fréquence de 10 minutes en semaine et de 15 minutes la fin de semaine, ce qui représente 123 départs de plus chaque semaine. Le président du RTC, Rémi Normand, n'exclut pas la possibilité de modifier le parcours ou de proposer la mise en place de voies réservées dans le futur. Des centaines de professionnels du gouvernement ont dévrayé ce matin à Québec. En tout, quelques 17 000 membres du syndicat des professionnels du gouvernement ont procédé à une courte grève ce matin pour rappeler qu'ils sont sans convention collective et que les négociations sont dans une impasse après 600 jours de négociations. Un grand rassemblement s'est tenu jusqu'à midi à la place de l'Université du Québec. Et toujours dans la basse ville, une autre manifestation a eu lieu, cette fois initiée par la FRAPRU, l'organisme craint une hausse des loyers dans les logements sociaux en raison d'une incertitude sur le versement des subventions du fédéral. Enfin, le projet de construction d'un centre de données de 34 millions de dollars à Québec a du plomb dans l'aile. La firme responsable de cette installation, la française Ascentry, est la même qui était responsable du coffre-fort virtuel que la ville de Québec vient d'abandonner, même si elle a englouti plus d'un million de dollars dans l'aventure. En entrevue au quotidien Le Soleil, le directeur général d'Ascentry refuse de dire s'il abandonne définitivement le projet de bunker et préfère parler d'un report, mais la réalisation semble plus qu'incertaine vu le succès mitigé connu par le coffre-fort virtuel qui a attiré 900 clients au lieu des 30 000 qui étaient projetés. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est généralement nuageux aujourd'hui avec 40% de probabilité d'averse de neige. Il y a des vents d'ouest de 30 km/h avec rafale à 50. Il fait 1 degré présentement à Québec. Ce soir et cette nuit, des vents toujours présents avec rafale à 40 km/h, minimum de moins 3. Demain mercredi, 3 degrés en journée avec une alternance de soleil et de nuages. Jeudi, c'est très ensoleillé avec 1 degré. Vendredi, c'est une pluie intermittente avec 2 degrés.